aujourd'hui, je vais vous donner du fric encore et encore. 100, 150, 200, 300. L'application gratuite sur YouTube m'a demandé de faire une nouvelle publicité pour eux. Combien ? Un numéro entre 1 et 1000. 1000 ? Entre 1 et 1000 ? Ouais. 12. 12 ? Et je me suis dit que l'argent qu'ils me donnaient encore pour faire ça, j'allais encore vous le donner. Bah tu viens de gagner 1000 euros. Tu viens de gagner 12 euros, Brigitte. Ah bon ? Ouais, et la différence, c'est pour les animaux. Donc je te remercie, je te fais un bisou. J'adore parce qu'on me cote et on me dit exactement sur la tête de ma mère que quand je revois ce exactement, j'ai envie de tout casser ! Avec l'hôtel Mercure. Et je reconnais l'intérieur, le hall d'entrée, je suis en mode... Ouais, je sais qu'on s'en bat les couilles, mec. C'est une très belle histoire. Merci pour les 10 balles. Merci, gros balles. Et je reconnais l'aventure. M'a demandé de faire une nouvelle publicité pour eux. Aujourd'hui, je m'adresse à ceux qui créent des vidéos sur Internet ou qui veulent se lancer sur YouTube ou ailleurs, puisque le site Cdiscount fête ses 21 ans. Je savais même pas qu'un site pouvait avoir 21 ans. C'est quoi? Yo les gens, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire plaisir. Donc pour cette vidéo, tout simplement, l'objectif sera 20 000 pouces bleus au lieu de 15 000. Kenny, pourquoi tu mets 20 000? Eh, vous voyez ce vase? Non, sérieusement, dans ce vase, je mets un poisson rouge. La vie de ma mère, si vous mettez 20 000 pouces bleus dans ce vase, je ramène un poisson rouge. Ne vous inquiétez pas, le poisson, je ne vais pas lui faire du mal, je ne vais pas le maltraiter. Continue. C'est toi qui vois, C'est gratuit, de toute façon. Hein. Salut tout le monde, c'est Mikalash. J'espère que vous allez mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une photo kryptonite. N'hésitez pas à aller voir en description. Il y aura le lien de sa chaîne. N'hésitez pas à aller vous y abonner. Ça lui fera certainement très plaisir. Est-ce que ça fera plaisir? Bien sûr. Ça lui fera plaisir. Donc voilà, aujourd'hui, on va se retrouver tout simplement pour une nouvelle vidéo. On déconne un petit peu, ça va être marrant. On déconne un sujet assez sérieux. D'un youtubeur. Oh putain! À la bataille! Attendez! Vous êtes Tu viens de payer ton parcmètre? Vous aimez les animaux? Ouais, j'aime les animaux. Voilà, et moi aussi. Est-ce que tu peux me donner un numéro entre 1 et 1000? Alors, 34. 200. 200? Tu viens de gagner 200 euros. Tu viens de donner la différence pour mon association animale, pour les animaux. Ah, oh, et même je te donne les 34 euros, tu vois. Mais t'en vas pas. Ah, tu me les rends? Vraiment? Pour les animaux. Je tiens beaucoup au monde animal, voilà. Bonne journée. Bon ben merci. Merci.